Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Oh! Ce soir, branlette. Cette semaine est paru sur le net le nouveau trailer de Deadpool 2, donc un film de David Leitch avec bien sûr le retour de Ryan Reynolds. Il y aura aussi Josh Brolin dans le rôle de Cable et on a pu voir aussi d'autres personnages qui revenaient. Et on a vu aussi les premiers pas de la X-Force dans ce trailer justement. Et quel est ton avis alors? Tu es emballé? Ça reste dans la lignée du Deadpool, c'est-à-dire qu'on a dans le trailer de l'humour, un petit peu de cul mais moins qu'avant. Des scènes d'action qui ont l'air assez dantesques quand même pour un Deadpool. Donc ouais, forcément, on est emballé par ça. Et puis beaucoup d'autodérision, ce qu'on voit dans la bande-annonce aussi. Ouais, moi aussi, j'étais un petit peu emballé. J'ai l'impression qu'il y a plus de scènes d'action que dans le précédent. Il y a aussi pas mal de clins d'œil à X-Men, notamment quand il fait l'espèce de tournis sur le fauteuil de Charles Xavier. Bon, on voit aussi l'étreinte avec Colossus, on va dire. Ou Néga, Sonic, machin, Warhead, je sais pas quoi, avec ses super pouvoirs. Et puis on a une espèce de Psylocke, je sais pas si c'est Psylocke en fait, on a une mutante avec des chaînes, avec des éclairs, je sais pas si tu l'as vu dans la bande-annonce. Oui, je l'ai vu dans la bande-annonce, bon, je pense pas que ce soit Psylocke, je vois que ça ressemble quand même beaucoup aux batailles du film X-Men numéro 3, donc... On n'arrive pas à bien identifier les personnages, un peu comme le personnage de Terry Crews, donc qui était censé incarner pendant un instant Shatterstar, d'après ce que tu m'avais dit, et il pourrait que ce soit un autre personnage, mais on n'a pas eu de confirmation en fait de la présence de la X-Force, parce qu'il y a aussi trois autres personnages qui sont en fait derrière quand ils sautent en parachute, là. Les scènes avec Cable. Bon, cette fois-ci, il a son bras qui est bien numérisé, on va dire. Parce que dans le dernier trailer, il était en une prothèse verte. Je l'ai trouvé un peu moins marrant que le dernier. Moi, je trouve qu'il est un peu moins parodique. On était plus dans l'action, plus dans le je descends tout le monde quand il sort du cercueil pour flinguer tout le monde en fait. Dans l'ensemble, c'est agréable et puis ça me paraît assez sympathique, quoi, à voir. Alors moi, à mon niveau, je connais moins la X-Force que les X-Men. Hein. Forcément, c'est un peu plus confidentiel en France, la X-Force. Les personnages, là, on en montre plus au niveau des personnages. Apparemment, il y aura un jeune mutant très puissant qui sera central dans le film. L'humour, moi, je l'ai quand même retrouvé. Moins que le premier. Il n'y a pas la scène d'action avec les deux petites poupées que Deadpool a fabriquées en attendant qu'il numérise le bras à Cable. Mais je trouve qu'il y a quand même de l'autodérision parce que, genre la fin où ils disent que le deuxième c'est toujours mieux que le premier ou des choses comme ça, moi j'ai trouvé quand même de l'autodérision dedans. Je pense que ça va être un bon spectacle, donc le film sort le 16 mai. C'est une semaine avant Solo, quoi, en fait. Donc, on va avoir un mois de mai qui va être assez intense en sortie, apparemment. Le gros morceau, c'est Avengers. Ce sera Avengers en avril. Voilà, donc, tout ce qu'on pouvait dire sur, si t'as rien à ajouter sur le trailer de Deadpool 2. Moi, j'ai juste à ajouter que, il m'a donné envie de le voir. Les scènes ont l'air toujours aussi comiques. La relation entre Deadpool et sa copine, c'est à mon avis plus en parenthèse dans ce film-là. Ce sera plus des caméos ou quelque chose comme ça, mais je suis quand même très impatient d'aller le voir et puis de découvrir un petit peu la X-Force que je connais mal. À l'occasion de la venue de Steven Spielberg pour l'avant-première de Ready Player One, d'ailleurs qui rencontre apparemment de bonnes critiques, d'après ce que tu m'as dit, Teddy. Apparemment, il a des bonnes critiques au niveau des retours US de ceux qui ont pu le voir. Alors attention, pour l'instant, on n'est qu'aux critiques commerciales, donc il faut bien vendre le film, donc forcément, faut se faire sa propre opinion au niveau plutôt des spectateurs que de la critique presse. Mais pour l'instant, il est assez bien noté sur les différents sites. Ouais, pour notre part, on est un petit peu dubitatif hein, quand on voit les multiples bandes annonces. On a quand même l'impression d'un fourre-tout pour moi. C'est un film qui fait carrément coucou les fans. Hein. Il y en a beaucoup en ce moment qui font ça comme film. On y voit le géant de fer de mémoire. La DeLorean, des dinosaures, un peu toutes les licences. Le King Kong aussi. Ouais, King Kong, je pense que ça fait vraiment fan. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on nous bazarre tout dans la tronche. Maintenant, il peut y peut-être avoir une histoire. Hein. Peut-être que les... Mais bon, Spielberg n'a pas fait que des chaînes non plus, hein, il faut l'avouer. Et ce fut le cas avec Indiana Jones 4, par exemple, le royaume du calme du cristal. Oui, c'est vrai, on a l'impression que c'est un Indiana Jones de trop. Enfin, c'est même pas une impression, j'ai carrément la conviction que c'est un Indiana Jones de trop. En plus, Ford était quand même bien fatigué dans ce rôle. Ouais, c'était c'était en 2008, hein, faut s'en souvenir. Donc ça fait presque 10 ans qu'il était déjà âgé au temps de Ryan Buchanan Crystal. Et justement, la news dont on veut discuter aujourd'hui, c'est que justement Steven Spielberg a annoncé le tournage du 5e Indiana Jones, donc pour avril 2019. Et donc la sortie est prévue pour le juillet 2020 en fait. Comme c'est Disney, et ben il veut rentabiliser toutes les licences qu'il possède, vu que Indiana Jones c'est aussi une franchise qui rattache à Lucasfilm aussi quelque part. Donc moi j'ai de merveilleux souvenirs de la trilogie. Déjà mon préféré c'est certainement L'Arche Perdue, suivi de très près par La Dernière Croisade. Le Temple Maudit, bon, je l'aime bien, mais c'est quand même un film plutôt parodique. Il fait très crossover, pardon, il fait très spin-off, le Temple Maudit, je trouve. Tu trouves? Bah, je trouve que ça s'intègre mal dans les histoires d'Indiana Jones quand t'as vu les trilogies. Mmh. Ça fait vraiment, il arrive là comme un cheveu dans la soupe, puis il se passe pas grand-chose. Bah, il y a le ton qui change, hein. Ça c'est pas le problème un peu du film. Faut savoir que chronologiquement, il est situé avant les Aventures de l'Arche Perdue. C'était en. Bah, si on regarde un petit peu, parce que. En fait, c'est une préquelle, hein, quand tu regardes bien. J'avais pas cerné ça du tout, non, en fait. Non, mais en fait, l'ordre chronologique des Indiana Jones, c'est le Temple Maudit, les Aventures de l'Arche Perdue, la Dernière Croisade et le Royaume du Crâne du Cristal. Et évidemment, il y a la série Les Aventures du Jeune Indiana Jones qui a commencé en 93 et qui a fait quelques épisodes. Mais d'ailleurs, on a toujours pas de sortie en DVD ou Blu-ray de prévu en France. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est une histoire, c'est une série qui parle d'histoire et qui est pas seulement orientée sur l'aventure. Mais bon, du fait que ça n'a pas tellement marché, que c'est peut-être un petit peu trop pédagogique comme série, ben ça a peut-être pas plu au public lambda. Mais peut-être qu'avec le retour d'Indiana Jones, ben, on aura peut-être eu la chance d'avoir au moins un support DVD. Ouais, je pense qu'on aura une ressortie de la trilogie originale, un petit peu avec le Royaume de Cristal aussi, donc la quadrilogie. Ils vont nous faire un peu aussi découvrir cette série, je pense, parce que Disney, à mon avis, va vouloir rentabiliser un maximum son investissement. Ouais, comme donc, il fait comme Star Wars, hein, toutes les séries dérivées, tous les... D'ailleurs, on parle un peu de Star Wars, mais je sais pas, certainement que tu as su qu'ils vont ouvrir une chaîne un peu style Netflix, où ils vont justement proposer des séries, et on parle déjà de trois séries animées Star Wars, quoi, pas loin, quoi. Pour en revenir à Indiana Jones, moi j'ai été très déçu par le quatrième, parce que je trouvais ça complètement un peu débile, surtout la fin, et très surprenant, et on part vers de la parodie, et c'est très mal fait. C'est pas tellement Harrison Ford qui me dérange, c'est l'histoire en général, et il y a beaucoup de scènes en CGI qui sont horribles à l'écran. Alors je sais pas si t'as quelques souvenirs du quatrième. Moi j'ai des souvenirs du quatrième, le problème c'est que bah, ça va te rejoindre, ils sont pas agréables. Ouais, on a l'impression d'une parodie et puis des acteurs qui cabotinent à mort aussi, quoi. C'est ça. Ouais. Puis bon, enfin, des passages convenus d'avance, notamment avec ces fourmis. Ouais, ça c'était horrible, ouais. Les fourmis qui dévorent le soldat russe. Ouais, russe ou allemand, moi je sais plus. Enfin, non, russe. C'était un russe. Donc ouais, tout ça. Puis j'avais eu l'impression de regarder un petit peu un making-of transformé des trois premiers Indiana Jones, quoi. C'était toujours la même histoire, le même rythme, la même convenance. Il n'y avait même pas de découverte de temples ou des trucs comme ça. Pour moi, c'était vraiment un début, milieu, fin, et puis rien qui se passe au milieu. Il n'y a pas vraiment d'énigmes comme dans les autres, quoi. Ouais, le côté énigme a été mis de côté, il y a plus des scènes d'action, mais voilà. Il y a plus ce côté mystique, on part dans un délire extraterrestre à la fin. Enfin, je vais spoiler parce qu'il y a quand même 10 ans ce film, alors je pense qu'on peut lâcher les vannes. De toute façon, à partir du moment où le film a plus de 2 ans, nous on spoil. Hein. Ouais. Même s'il a plus de 6 mots, moins de 6 mots, mais bon. Mais pour revenir à Indiana Jones, toi t'as un préféré parmi les 3? Moi, mon préféré parmi les 3, ça reste le numéro 3, La Dernière Croisade. La Dernière Croisade, ouais. Alors, déjà parce que j'ai une partie mon cœur qui adore Sean Connery. Ah ouais, ça c'est clair. Donc forcément là c'est parti pris. Et puis je trouvais qu'il avait tu vois, un film, il y avait de l'action, de l'humour, du rebondissement. Il y avait tout en fait dans ce film, et je trouve qu'il était mieux mené que L'Arche Perdue. À peu de choses près, hein, parce que L'Arche Perdue était vraiment fantastique aussi, hein. Moi c'est un peu je crois que c'est le fait que j'ai vu Les Aventures de l'Arche Perdue au cinéma. Enfin, j'ai vu tous les trois au cinéma, mais je l'ai vu deux fois au cinéma, Les Aventures de l'Arche Perdue, donc ça a beaucoup joué. Et c'est un film que je peux me le passe pas, notamment la scène d'ouverture avec la boule. Je trouve ça c'est extraordinaire, par exemple. C'est vraiment la base du jeu vidéo, quoi, quelque part. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux Indiana Jones qui sont sortis en PC, tout ça. Je sais pas si t'as connu cette période. Mais moi, j'ai joué beaucoup à Lego Indiana Jones, par exemple, et c'était des jeux qui étaient vraiment bien amenés. Bon, ça reste du Lego, hein. Les énigmes sont faciles, mais voilà, c'était un jeu qui me rappelait l'univers avec un petit peu d'humour. Ça reste de l'humour Lego aussi. Mais par exemple, ouais, la franchise, là, on pouvait bien l'exploiter en jeu vidéo, surtout avec les scènes d'action qui étaient reprises avec la boule d'Heurdash. Là, c'était Enfin, c'était assez finement tourné, que ce soit dans le film ou dans les jeux vidéo. Voilà, on se projette un petit peu notre âme d'aventurier par un petit peu tout ce qu'il fabrique autour. Et c'est vrai que là, ouais, c'était quand même bien. Ouais, moi je pense aussi là, au style point and click. En fait, t'avais c'était des styles d'aventure. T'avais Indiana Jones et la dernière croisade. Il y avait aussi Indiana Jones and the Fate of Atlantis qui était sorti, qui était une espèce de Indiana Jones 4. Mais c'était un jeu où tu devais trouver des indices pour justement avancer dans l'intrigue. Et tu suivais un petit peu. Si tu regardais le film, tu pouvais réussir à avancer et c'était très bien. Bon, c'était du 8 bits en ce temps-là, je pense, les graphismes. Enfin, j'étais sur Amstrad, Atari, enfin. On connaissait le genre, quoi. On pouvait passer des heures à essayer de trouver des trucs, et du fait que c'était Indiana Jones, on pouvait aussi taper du poing ou servir du fouet, enfin tout ce que tu voulais, quoi. Ouais, ça faisait un peu Donjons et Dragons, mais C'est avec ça. Indiana Jones. C'est-à-dire Ouais. qu'il y avait des choix multiples, du point and click. Ouais. Bon, c'était pas de l'action, parce qu'on n'avait pas vraiment d'action sur les plateformes à l'époque. Mais c'était quelque chose d'assez rigolo à faire. Mais moi, j'ai peut-être connu ça sur le tard en émulateur, mais voilà, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai moins accroché au domaine. Donc pour revenir, bah on a exploré un peu l'univers. Pour revenir au tournage du prochain Indiana Jones, moi je suis pas très emballé parce que bon, un cinquième, bon, ok, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme histoire? Bon, Harrison Ford, il a quand même pris 10 ans. Bah normalement moi je comprends pas pourquoi ils vont faire un film avec Harrison Ford parce que pour moi c'est Kylo Ren qui l'a tué donc pour moi le personnage est mort. Bon, il survit quand même dans Blade Runner qui est 2049, donc on est content de le retrouver. Non mais Bon, blague à part on nous a passé ouais. un flambeau en fait dans Indiana Jones 4, c'est-à-dire que son fils devait prendre la relève. Ouais, mais c'est catastrophique là. Alors bah déjà moi le fils j'y croyais pas Ah du non, tout non, hein. mais Chalabet ouf, le héros de Transformers, il faut quand même s'en rappeler, mais Voilà. c'était une Ah bah catastrophe. ils vont peut-être trouver un Decepticon alors pour l'histoire du 5. Mais non, déjà au 4, voilà, l'histoire, pourtant, moi, le néo-évémérisme, les extraterrestres, la théorie du complot, tout ça, je suis fan. Mais même moi, j'ai pas cru une seule seconde. Enfin, je veux dire, ce film était pas crédible. Voilà, les autres étaient crédibles, et comme tu disais, il y avait une base historique. Ouais, aussi. Voilà, et puis c'est vrai que ouais, le Graal, l'Arche de Noé, L'Arche de l'Alliance. l'Arche de l'Alliance, oui, ouais, c'est pas pareil. Tout ça, ça nous parle. Là, les extraterrestres, à part le phénomène de mode à l'époque, ça parlait pas à grand monde, quoi. Bah non, parce qu'on rejoint un petit peu la mode de Roswell, c'est un peu facile au niveau de l'écriture. T'as le décollage de la soucoupe volante, alors c'est horrible aussi, là. Ça, c'est un moment qui m'a désespéré, quoi, quasiment. Voilà, comme moi je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Bon, je serais content de revoir Harrison Ford dans le rôle, mais je pense pas qu'il va faire des galipettes comme il faisait avant. Enfin, il va falloir une doublure aussi, là. Mais de toute façon, à un moment, il parlait de rebooter la franchise. Et il voulait, à un moment, il y avait un acteur qui était très, très en vue, c'était Chris Pratt, en fait. Donc le héros des Gardiens de la Galaxie. Moi j'aime bien Chris Pratt, c'est vrai qu'il a de l'humour dans ses films, il a quand même de la prestance à l'écran, mais pour passer derrière Harrison Ford, moi je vois même pas qui pourrait passer derrière lui parce que je veux dire Harrison Ford, il y avait tout pour lui quoi. Le flegme, la prestance, les scènes d'action, il a pas envie de faire une scène d'action, on a cette fameuse scène où il tire au pistolet et en tue C'est un ça. quoi. Voilà, c'est des trucs qui sont peut-être arrivés par accident sur les tournages, mais je vois pas ce qu'on pourrait nous resservir de neuf avec ça. Je Bah pense ouais. qu'on a fait le tour de la franchise. Bah, tout simplement, ouais, je pense comme toi, c'est que Indiana Jones, il faut le laisser là où il est, quoi, c'est tout. À la rigueur, au panthéon de la cinématographie, parce que moi, déjà, j'ai pas cru à ce projet. Après 89, on nous disait, ouais, on va faire Ninja Jones 4. Moi, je pense que la dernière croisade, il clôturait très bien la franchise, c'est ça. Il n'y avait pas besoin de faire un 4, c'était quand même 20 ans après, quoi, presque. Tu crois pas si bien dire, parce que ça 10 ans. clôturait littéralement, c'est-à-dire il fonce vers le soleil C'est ça. couchant, etc. Il y avait toute la symbolique derrière, et puis on nous en amène à 4, Quatre, qui ça faisait clairement, venez nous voir, on a besoin d'argent, quoi. on Enfin, s'arrache les cheveux, quoi. ah oui, puis, ouais, au niveau crédibilité, ah, puis au niveau des clichés racistes, bon, je suis d'accord que Indiana Jones et les clichés racistes, Mais c'est un peu une c'est symbiose, d'époque, on peut ouais, l'excuser, c'est quoi. d'époque, mais là, dans le 2008, moi j'avais l'impression que c'était poussé au paroxysme. Ouais, non, mais il y a un aspect un peu ouais, parodique ou exacerbé, je vais dire, sur certains personnages, quoi. Pour revenir au nouveau film, bah, bon, Harrison Ford, ouais, tu parlais, qui va passer derrière Harrison Ford? Bah, il y a le jeune Alden machin là, dans Han Solo qui va passer derrière lui. On se demande ce qu'il va faire, mais bon, on verra bien. Au mois de mai. Ouais, mais ça reste du Star Wars, on peut le planter, ils ont planté tous les Star Wars récemment, donc ça c'est pas un problème. Voilà, la franchise elle a coulé, donc on s'en fout, quoi, la guerre. Mais bon, de toute façon, vous savez, contrôle, parce qu'on n'aime pas Star Wars 8. Et puis, je pense que si on le répète pas une fois dans un podcast, je On le crois que répétera jamais. on pourrait pas graver notre identité quelque part, tu vois. Bah, puis en plus, on vous le sort à chaque podcast, mais voilà, ça marque aussi l'argument de laisser les franchises qui ont marché tranquilles, quoi. Arrêtez de nous servir des trucs. Bon, moi je dis pas, il y en a qui ont aimé Star Wars 8, hein, comme quoi il en faut tout pour faire un monde. Mais moi voilà, ça me fait penser vraiment à ce que je vais appeler un syndrome Star Wars. On a besoin de cash, on vous relance un petit peu la franchise en appuyant bien sur le côté nostalgique pour que vous venez nous voir. Ouais, bah, à propos de Star Wars, tu as vu les scènes coupées, donc qu'est-ce que t'en as pensé dans l'ensemble? Non mais allez pas voir les scènes coupées, hein. À part Hux faire bouffer un doigt, sinon il n'y avait rien de marrant. C'est vrai que c'est ridicule. Mais bon, déjà ce personnage était ridicule, mais là il est encore plus. Bon, on s'éloigne un petit peu du terrain là. Juste pour s'éloigner encore un Ouais. petit peu, on va parler de scènes coupées de Star Wars 8 qui servent à rien. Par exemple, si tu vas regarder les scènes coupées de Batman versus Superman, là elles t'éclairent le film. Ou alors les scènes coupées du Seigneur des Anneaux qui t'éclairent le film aussi. Ah, tu veux dire les versions longues? Les versions Ouais. longues, où il y en a des scènes coupées, il y a des director's cut, etc. Et là, ça nous apporte des trucs au film. Et là, quand on voit Star Wars 8, que même les scènes coupées, elles amènent que dalle, bon, pour moi, ça veut dire que Star Wars 8 avait rien à ramener. C'était creux, quoi. Voilà, c'était creux. Voilà, c'était petit aparté pour vous dire que si même des scènes coupées, des scènes post-crédits vous relèvent pas un film, Non. c'est que le film n'a C'est rien que à c'est mort, relever. quoi. C'est que C'est c'est mort. mort. Ouais. Sur ces bons mots de conclusion, pour tout ce qui concerne l'univers, on va dire, de Lucasfilm. Alors là, pour en revenir à Indiana Jones 5, moi je vois pas l'intérêt. J'ai un peu peur aussi de l'histoire qu'ils vont nous servir. Ça va être une soupe indigeste. Parce que le côté aventure, bah on l'a dans quasiment tous les films, hein, que ce soit des nanars comme Tomb Raider ou des films un peu plus corrects, entre guillemets, comme Jumanji. Voilà, on a de l'aventure. Pas d'oublier quand même Benjamin Gates et Bah avec même Nicolas Benjamin Cage. Gates était mieux tourné Que le 4. que Indiana Jones 4. Hein. Enfin, on était moins consternés, quoi, je veux dire. Ouais, mais pourtant, Cage, enfin, faut se le farcir des fois en acteur. Ah, des fois, ouais, il est un peu insupportable hein, quand tu le vois dans Ghost Rider. Bah dans le 1, ça allait encore, mais alors dans le 2, ouais, par exemple. Et là, Indiana Jones 5, elle me fait peur aussi à ce niveau-là, parce que elle va nous servir un truc réchauffé, un truc coucou les fans, ça va faire, on va appeler ça l'effet Terminator. Ouais. Ça va alors bien finir d'écraser une franchise. L'effet Genesis, on va dire. Voilà. Bon, moi ça me fait peur. Personnellement, c'est quelque chose qui me fait peur. En plus, on n'a pas de bande-annonce, pas de teaser, même pas de synopsis, rien du tout. Et pourtant, on n'est pas encouragé. Donc vraiment, c'est qu'il y a quelque chose qui va bien pêcher derrière, à mon avis. Donc, on va guetter un petit peu les prochaines infos, tout ce qu'on pouvait dire pour sur le tournage du 5e Indiana Jones. Alors cette semaine encore, c'est vrai qu'on a beaucoup de news hein, cette semaine Une qui sont actualité tombées, chargée, hein. très chargées parce que de toute façon l'été arrive, le printemps arrive, le printemps des blockbusters, mais c'est surtout la télévision avec le pilote de Krypton, donc cette nouvelle série préquelle on va dire à Superman, qui était diffusée sur Syfy, créée par David S. Goyer qui est un scénariste du DCU. Vu que c'est lui qui est à la base le scénariste des Dark Knight de Nolan et de Man of Steel. Et là, on retrouve donc le grand-père de Superman, donc Segel, qui est un jeune gamin qui se retrouve au milieu d'un conflit entre les familles. C'est-à-dire que sa famille, la famille elle, est reléguée et dégradée complètement parce que par rapport à la famille Zod et la famille Vex, qui sont des familles d'ordre royal, on va dire, dans une société kryptonienne qui se revendique un peu de l'Inquisition, quelque C'est-à-dire que il faut pas crier sur les toits que y a des autres êtres, y a d'autres êtres vivants et d'autres planètes de l'univers. Ils croient que tous ces gens-là veulent croire que Krypton est la seule planète qui existe dans l'univers en fait. C'est un peu comme ça que ça commence, c'est-à-dire que le grand-père, lui, il blasphème, hein, il dit que attention parce qu'il va falloir bien suivre la chaîne familiale parce que il y a beaucoup de couches de la famille L. Donc il faut savoir que dans cette série, on n'aura pas du tout la présence de Jor-El, qui est Lara, donc les parents de Kal-El, Superman. Donc c'est une série qui est centrée sur Seg, le jeune Seg, qui est en fait une espèce de rebelle, qui essaye de trouver sa place dans la société, mais comme il se rebelle, il part souvent en bagarre avec les autorités locales. Et à un moment, il y a un certain Adam Strange, c'est un personnage assez important du DCU, DC qui lui dit qu'il faut absolument qu'il reprenne un peu le contrôle de Krypton parce que sinon son petit garçon il n'éteint jamais. Sachant que on nous tisse quand même que l'arrivée de Brainiac derrière. Donc on sait déjà qu'il y a Brainiac qui va arriver pour. Et ça, les Kryptoniens de la haute classe, je veux dire, ne sont pas conscients parce qu'ils sont tellement enfermés dans leur monde qu'ils sont pas conscients qu'il y a un danger qui arrive en fait. Donc voilà un peu le début de ce pilote qui dure une 45 minutes. J'ai trouvé que c'était un petit peu dramatique, un petit peu peu dur au niveau des personnages, tout ça. Je vais pas trop spoiler et dire pourquoi, mais il y a des choses qui me dérangent au niveau cohérence de certaines situations. Niveau visuel, c'est pas mal fait. Il y a quelques scènes extérieures où on est entre une cité qui se rapproche un petit peu de Coruscant pour l'architecture des bâtiments, tout ça, les véhicules. Et à un moment, on a même un gros clin d'œil à la forteresse de Solitude, quoi. Ils arrivent dans une espèce de forteresse de cachette dans la montagne glacée avec justement une clé à l'effigie de la maison des L. Moi, ça m'a donné un petit peu de connaître la suite de ce personnage, comment il va faire justement pour avancer, pour évoluer dans le monde de Krypton, où il y a quasiment tout le monde contre lui, quoi. Voilà ce que je pouvais dire sur Krypton. Alors, d'après ce que t'en dis, moi, ça m'a pas trop donné envie de le voir. Moi, ce que j'en connais de Krypton, c'est ce que j'en ai lu dans les comics, donc c'est-à-dire une civilisation tellement, tellement avancée depuis des millénaires et des millénaires qu'ils n'ont pas vu leur fin arriver à cause de leur avancement. Bon, plus ça, en fait, parce que quand la famille L, c'est elle qui avait seulement prévenu que, à force de pomper toutes les ressources, hein, il n'y allait plus en avoir et qu'il allait avoir un effondrement de la planète. Mais pour moi, voilà, le côté inquisiteur et tout, même sur Kandor ou les autres comme ça, il n'y avait pas, enfin, du niveau des Kryptoniens, c'est-à-dire qu'ils étaient éparpillés dans la galaxie depuis des millénaires. Donc voilà, c'est quelque chose que bah, je vais un petit peu avoir du mal à accrocher pour ça. Après, bon, pour moi, la trame, elle est vue et revue, hein, c'est-à-dire seul contre tous, et puis je dois sauver le destin de mon peuple, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que bon, ils ont l'air d'adapter l'arc de Brainiac, c'est-à-dire que c'est Brainiac qui est responsable de la destruction de Krypton dans une version. Après, Alors, est-ce c'est que vrai ça va que... être comme ça? Il y a des versions où Brainiac a été créé par le peuple kryptonien, il y a des versions où Brainiac a été créé, bah, je sais plus trop comment, hein, pour être honnête. Ouais, puis Brainiac, à part collectionner des civilisations, il fait pas grand-chose Ouais, c'est dans bon, les il met tout. comics. En fait, il met des cités en bouteille, quoi, c'est ça? Ouais, il y a mis Kandor en bouteille, par exemple, bah, Metropolis à un moment aussi. Est-ce que j'ai, en plus, je viens de regarder Superman Unbounded, et voilà, c'est exactement ça, hein, c'est l'arc de Brainiac où Superman le bat d'une façon complètement capillotractée. Mais voilà, c'est pas Brainiac, c'est pas encore un ennemi très important au niveau de Krypton, c'est plus quand il arrive sur Terre et puis que même Superman est surpris qu'il ait réussi à capturer Kandor parce que les Kandoriens ils savaient même pas que ça existait sauf que quand Kara est arrivé quoi. C'est ça. Bah, je connais un petit peu la mythologie, mais pas autant que toi. Mais apparemment, Brainiac, ce serait une espèce d'entité qui aurait été créée par un peuple extraterrestre. C'est quelqu'un qui, c'est un personnage qui en fait est mi-organique, mi-machine. Moi, il m'a fait un petit peu penser à certains personnages de la Matrix. Tu sais, la Matrix. Moi, il me fait plus penser au Borg. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les Borg. C'est ça. Il y a l'aspect un peu Borg. Ouais. Je prends toute la civilisation, je la recycle à ma façon et. Oui, il s'approprie toutes les technologies, tous les savoirs, mais jamais la philosophie. Hein. C'est-à-dire qu'il a sa propre vision, et puis voilà, c'est un peu un Borg ou un Ultron, c'est-à-dire que. Il y a des desseins à servir et peu importe qui c'est qui se trouve dans son chemin. Bah, j'espère qu'ils vont développer l'arc parce que bon, les personnages qu'ils nous ont présentés, je les trouve un petit peu fans. Les Vex et les Zod, je trouve qu'ils sont un peu caricaturaux. Lui, bon, c'est le jeune rebelle, c'est l'archétype du jeune rebelle. Maintenant, je peux pas me fier qu'un pilote, il faut que je vois au moins 5 épisodes. Un peu comme cette fameuse série avec les jeunes qui se rebellent et qui ont des pouvoirs, là, qui étaient vraiment pas terribles. Runaways. C'est ça, dont on évitera la deuxième saison d'ailleurs. Ils vont faire une deuxième. Bah, il paraît. Ou un petit message au producteur. Hein. Non, mais arrêtez, c'est pas la peine. Voilà quoi. Je vous encourage quand même à jeter un coup d'œil si vous aimez bien tout ce qui est la mythologie alliée à Superman, parce que c'est rare qu'on ait quand même une préquelle sur Krypton. Ouais, enfin pour moi, c'est pas lié à la mythologie Superman. Pour moi, c'est plus un crossover ou un what if parce que la chronologie Superman, voilà, c'était un peuple au niveau avancement. Même les Mandroïdes ou. Même les Green Lantern et tout connaissaient les Kryptoniens et voilà, c'était des top of the top au niveau de la galaxie quoi. Donc c'est pour ça que ça me semble un peu bizarre le chemin que ça ait pris. Bon, après pourquoi pas, hein, moi c'est toujours les fans, servir les fans c'est bien, servir un scénario c'est mieux. Mais enfin pour l'instant dans ce que j'en ai entendu, ça fait juste une histoire réchauffée comme je vais me répéter, hein, mais du rebelle seul contre tous et puis qui va trouver sa destinée. Voilà, ça me fait penser un peu à Smallville quoi, c'est-à-dire que Smallville, là, ouais. Voilà, carrément, là. seul contre tous, hein, il est là, Ouais. puis voilà, à la fin, il devient Superman après 11 saisons longues et laborieuses. Voilà. T'as tout regardé, Smallville? Ah bah, j'ai tout regardé Smallville, hélas. Ah, qu'est-ce que je regrette? Il y avait quelques passages jouissifs quand on voit la société de justice, Ouais. mais ça fait fake, quoi. Voilà. Je pense que Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, des fois, ça faisait moins fake. Alors, c'est pour vous dire. À ce point-là? Ah oui. Pourtant, le costume était rococo, je veux dire. Ah ouais, le beau moule burne, hein. Ouais. Dean Cain, il a pas vraiment la tronche de Superman, mais bon. Bah, ça m'a fait penser à certains dessins animés de Batman d'ailleurs, ce truc. Parce Ouais. que là, quand on voit Dean Cain jouer Superman dans le costume, on n'y croit pas. Ouais. Mais il y a un moment, il se fait voler son corps et on voit donc Clark Kent en t-shirt. On voit ses bras, on dirait mes cuisses. Et je dis là, on y croit aux musclés, quoi. Ouais. Et voilà, et que certains épisodes de Batman en série animée, on a un Batman tout maigre, tout fin, et quand il s'habille en Bruce Wayne, on a une grosse baraque. Ça m'a fait penser à ça, tu vois. Ouais, c'est un peu curieux quoi, la physionomie qui peut changer d'un truc à l'autre. Voilà, bon, je vais pas s'étaler sur Superman, de toute façon. En plus, ça commémore un petit peu les 80 ans du super-héros, parce que, bon, on va pas cacher qu'on prépare quelque chose pour son anniversaire, mais voilà quoi. Alors, je vais passer à une autre news, si tu veux bien. Allez, on en a fini avec Allez, Superman. Allez, je passe Brainiac à a une autre gagné. série qui vient de sortir, de terminer, c'est X-Files. Donc, au terme des 11 saisons, le dernier épisode de la 11e saison a été diffusé cette semaine. Une saison que je dirais mi-figue mi-raisin, parce qu'il y a de très bons épisodes, puis il y en a des très mauvais. Mais le final, moi, il m'a un peu déçu, parce qu'il tombe dans le cliché. Il y a quelque chose qui va pas, j'arrive pas à dire ce que c'est, mais c'est limite, on est aux limites de la mièvrerie dans le dernier épisode. Et moi qui aime bien Mulder et Scully, qui a suivi les épisodes depuis 93, je vais dire, parce que bon, quand même 218 épisodes et 11 saisons. Avec les deux films entre deux, quand même une grosse saga qui a été créée par Chris Carter avec David Duchovny et Julian Anderson. Donc je sais pas si tu connais un petit peu l'univers d'X-Files. Bon, l'univers d'X-Files, je connais que les premières saisons, enfin, c'est-à-dire avant c'est pas un reboot, c'est une suite, mais avant qu'ils font la suite des années plus tard, moi je connaissais l'univers, il y avait des épisodes qui m'avaient terriblement marqué parce que j'étais quand même jeune, comme ce fameux épisode avec les petits insectes qui vivent dans les arbres, Ah etc. ouais. Voilà, ça nous faisait poser des questions un petit peu sur notre rôle en tant qu'humain, etc. Après, il y avait des épisodes qui étaient flippants, hein, l'épisode Tunguska ou des trucs comme ça, vraiment Ouais. là, flippant, flippant. Puis il y avait des épisodes un peu plus joyeux, des C'est fois, ça. voilà, donc, notamment quand il trouve un génie dans une carpette, quoi. C'est un épisode plus joyeux, avec des phrases d'humour, etc. Et là, c'est vrai que c'était plus familial, faut le dire au sens large quand même, parce qu'il y avait quand même de quoi traumatiser certains jeunes, hein. Ouais, c'est clair qu'il y avait certains épisodes, comme tu dis, il y avait une espèce de dérision aussi, hein. Ben, il y Ils avait des prenaient pas épisodes au comme sérieux. ça, ouais. Il y a des épisodes très sombres. Il y a des épisodes gore aussi, hein, parce que. Ouais, il y a eu de tout, il y a eu de Ouais. tout. C'est pour ça que je dis familial au sens large. Là, la nouvelle saison, je me suis refusé catégoriquement d'aller jeter un œil, pour la simple et bonne raison que je voulais rester sur mon souvenir mielleux d'enfance. Ouais, moi le problème c'est que bon, j'étais un peu fan d'X-Files, je voulais voir. La saison 10 m'avait fortement déplu parce que elle était très mauvaise. Il y avait eu 6 épisodes si mes souvenirs sont bons. Donc je voulais revoir parce que là de toute façon apparemment c'est complètement fermé. C'est-à-dire que ils vont plus revenir du tout. Quand ils disent qu'ils ne reviennent plus, on les croit plus tellement non plus. Mais là c'est la saison 11. Ça a été vraiment dit que c'était la dernière d'après Chris Carter. Et comme tu disais, moi il y a des épisodes qui sont marquants, il y a la mythologie qui s'est mise en place à travers les saisons, la mythologie, complot extraterrestre, tout ce que tu veux, faire revenir les personnages et tout. Il y a cette aura de mystère, je veux dire, qui a perduré à travers les saisons, même si à un moment ils ont changé l'équipe, c'est-à-dire que Scully travaillait avec Robert Patrick qui était le T-1000 dans Terminator 2. C'était des épisodes qui étaient moins réussis, on a quand même été jusque 9 saisons, avec des saisons qui étaient quand même inégales, je veux dire, qui perdaient en qualité au fur et à mesure quoi. Moi, je pense plutôt qu'on a poussé, ramassé jusqu'au bout, jusqu'à 9 saisons. C'est-à-dire que le concept était déjà épuisé pour moi vers la saison 6 ou 7. Et après, on a voulu faire du rab un peu à l'effet Stargate, hein, pour faire plaisir Ouais, aux c'est fans. ça. Et pour moi, on est tombé dans ce que je vais appeler l'effet caméléon, tiens, avec Jarod. Oui. C'est-à-dire qu'on avait une bonne découverte, un côté enfantin de Jarod, etc., dans le caméléon. Et au fur et à mesure des saisons, ça devenait trop sérieux. Et le spectateur d'origine était perdu. Et moi, je fais partie de ces gens qui, dès que ça devient trop noir, trop psychopathe, trop sérieux, je commence à décrocher. Ouais, non, mais moi, je regarderai un bon souvenir d'ensemble. Je crois que les 5 premières saisons, elles sont quand même assez équilibrées. C'est une série qui a marqué son temps pour moi, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres dérivés. Bon, j'ai plus en tête les titres, mais à la base, X-Files est quand même inspiré de d'autres séries qui sont plus anciennes. Dans l'histoire de la télévision, il y avait une étape qui était franchie avec des doubles épisodes, des cliffhangers entre les saisons. Enfin, toi, tu n'aimes pas trop ce procédé, mais. Pas que j'aime pas le procédé du cliffhanger, c'est qu'à partir du moment où ils se sont rendus compte que les cliffhangers, ça permettait de faire un bon démarrage sur le premier épisode de la saison suivante, ils en ont collé partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. On a X-Files, là ça mérite un cliffhanger, hein, c'est quand même des complots, Ouais, c'est etc. ça. Et on en a même eu dans Friends. Faut arrêter, hein, ça je T'en veux fais dire. aussi? On a eu des Ouais. cliffhangers dans Friends. Dans les dernières saisons, il y avait des cliffhangers. Est-ce qu'ils vont se mettre ensemble? Est-ce qu'ils vont se marier, Chandler et Monica, etc. Et moi, c'est, je veux bien qu'il faut garder le patient jusqu'au bout, mais même dans The Big Bang Theory, ils commencent à nous faire. Enfin, non, ils nous avaient fait des cliffhangers avec des choses comme ça. Moi, ça commence enfin, légèrement à me saouler que tout le monde en fasse. C'est pour ça que dans Star Trek Discovery, j'étais content qu'il n'y ait pas un énorme cliffhanger à la fin où on se dit qu'est-ce qui va se passer. Parce que voilà, ça commence doucement à me fatiguer de vouloir raccrocher le client comme ça. Quand ils ont fait un cliffhanger dans Alpha, il n'y a pas eu de saison 2. Donc on a resté complètement sur notre fin. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Bah, c'est comme dans la série V, je sais pas si t'as vu la nouvelle série, mais ça se terminait aussi un coup de poudain. Hein. À l'arrivée dans la base, on sait pas ce qu'il advenait de la race humaine en fait. Ben non, on n'en sait pas. Et puis comme ils avaient prévu une saison 3, ils se sont dit ben on verra la saison 3. Mais comme ça a tellement bien marché, il faut dire aussi que les acteurs étaient pas très crédibles. Non, c'est clair. Voilà quoi, donc ouais, c'est bien de faire des cliffhangers, hein. Ça permet de garder le spectateur. Dans Game of Thrones, là, c'était quasiment obligatoire qu'un cliffhanger à la fin. Parce que voilà, c'est quand même un truc épique, machin truc. Mais là, ils nous font des cliffhangers où il se passe rien au début de l'épisode, il y a rien, et puis à la fin, là, c'est un gros truc. Le truc qui tombe à la dernière minute, quoi. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que des fois, ils font des fois cliffhanger et ils arrêtent des séries. Mais ce qu'ils font, c'est que ils sortent des comics pour expliquer, pour faire la suite, tu vois. Ouais, moi je suis pas là pour leur donner de l'argent, moi. Non, mais c'est vrai que c'est purement mercantile, hein, je suis Ouais, d'accord c'est avec toi. purement mercantile. Moi, Ouais. tiens, ça va. Moi, je paye ma taxe TV, donc je veux bien regarder la télé, mais voilà, leur filer du pognon en achetant des Faut acheter les bouquins. romans, Et puis, il les. faut voir aussi les. Ben, voilà, il y a certains cliffhangers. Quelle série je pourrais citer, je sais pas, mais je veux dire. Bah, genre The Flash, quoi. Ils nous mettent un cliffhanger à la fin, et le premier épisode de la saison suivante, c'est de la merde. Donc, le cliffhanger, il est même pas expliqué, etc. Ah bah non, faut voir le crossover avec, je sais pas, moi, Legend of Tomorrow ou Supergirl. Et, non, c'est bon, je vais pas regarder toutes les séries pour vous faire plaisir. Hein. Ah oui, il y a un gros problème au niveau du Berlanti Universe, on va dire, parce que c'est Berlanti qui est producteur de tout ça. Alors, t'as les épisodes de Legend of Tomorrow, t'as les épisodes de Supergirl, t'as Flash, t'as Arrow, donc t'as tout ça. Ouais, mais si t'as pas compris l'intrigue, c'est un peu comme dans les comics en fait. T'as un truc dans le Justice League, par exemple, dans un comics Justice League, ça continue dans Superman Man of Steel, et puis ça continue dans Action Comics, par exemple. Voilà, tout ça, enfin moi j'ai plutôt l'impression que c'est pas pour nous faire découvrir des univers, carrément pour nous faire cracher du cash et c'est quelque chose qui me gêne. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, de toute façon, bon, X-Files, c'est fini, bah tant mieux, quoi, qu'elle repose en paix, quoi, j'ai envie de dire. Bah franchement, on tue pas X-Files, hein, allez voir les premières saisons, Ouais. bah, c'est un peu mal vieilli. Bah, l'ambiance est toujours aussi oppressante, ça c'est vrai que c'est quand même pas mal, C'est clair. mais c'est quelque chose qui vaut le coup d'œil. Les X-Files saison 1 à. Ouais, moi je vais pousser jusqu'à la 7 quand même. La 7. Bah, franchement, ça vaut le coup d'œil, allez-y. Après, ça tombe à plat, mais c'est normal, on peut pas maintenir une série ad vitam, hein. Faut bien un moment couper la série, quoi. Faut s'arrêter, quoi, mais faut savoir s'arrêter aussi. Faut savoir s'arrêter, hein, sinon ça devient les feux de l'amour. Bon, pour enchaîner avec les multiples séries, bah, en parlant de séries, on peut parler aussi de Netflix. Et là, je vais parler d'un film qui a été diffusé sur Netflix, produit par Netflix, le 12 mars. Donc, c'est Annihilation d'Alex Garland, donc le réalisateur de Ex Machina. Donc, ce film avec un androïde, tu l'as vu celui-là? Non, tu l'as pas vu. Qui était assez réussi, moi, je trouve, avec des bons acteurs, tout ça. Là, on a donc un film avec Natalie Portman, dont on retrouve pas mal d'acteurs de Star Wars et du MCU en fait, parce que Natalie Portman c'est la reine Amidala, mais c'est aussi Jane Foster dans Thor. Et on retrouve aussi Tessa Thompson qui jouait la Valkyrie dans Thor Ragnarok, et Oscar Isaac justement qui faisait Poe Dameron dans Star Wars. Ah bah on peut l'oublier alors, déjà s'il y a des acteurs de Star Wars, vous pouvez l'oublier. Bon, Oscar Isaac, c'est vrai que dans ce film, il n'est pas très convaincant. Je Dans trouve Star même Wars non plus. très endormi dans ce film, mais bon. Faut pas exagérer, c'était bon. Voilà quoi, l'histoire c'est que y a une météorite qui atterrit sur Terre. C'est pas vraiment une météorite parce qu'apparemment elle s'implante dans un phare et elle commence à construire une bulle une espèce de bulle autour d'une forêt en bordure d'une mer, quoi, si tu veux. Et donc il y a une première équipe de commando qui est envoyée, mais ils reviennent pas. Donc ils décident d'envoyer une deuxième équipe de commando de 5 femmes, dont Natalie Portman et Tessa Thompson, et ils décident de traverser la forêt. Et là c'est vrai aussi. Faire vraiment un festival d'incohérence et de tout ce que tu veux, parce que déjà, il y a un problème dans ce film, c'est que pourquoi passer par la forêt alors qu'on a la mer à côté pour aller jusqu'au phare? Il y a une espèce de crocodile qui est dans CGI, mais hyper, hyper mal fait. Puis après, on devine quasiment tout ce qui va arriver, quoi, jusqu'à la scène finale dans le phare avec, bon, je vais pas spoiler, mais pour moi, c'est hyper convenu. Bon, c'est bien joué, faut avouer qu'au niveau de l'interprétation, c'est assez juste, mais moi, au niveau scénario, j'ai pas été surpris. Moi, je comprends pas l'enthousiasme de certains blogueurs ou de youtubeurs qui disent ah c'est génial, c'est original. Non, c'est pas original. On l'a vu 1000 fois. Ce sont des thèmes pour moi, qui sont sortis de films des années 70 ou 60, qui sont recyclés à la bonne pour faire un film, avec, en plus avec des effets CGI, mais désastreux pour moi, c'est vraiment moche visuellement, quoi. Voilà, Bah, quoi. moi, de ce que tu m'en racontes, ça fait un peu The Fog, Ouais, Spiral c'est ça. Zone et Under the Dome, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça, ouais. En fait, dans ce dôme, ce qui se passe, on va l'appeler le dôme, bah, en fait, il y a les humains qui se transforment, qui se mutent, il y en a qui deviennent des plantes et tout. Attention, c'est pas Jace. On verra pas Discord, je suis un peu déçu. Donc, bah, il y a un moment, il y a une scène où il y a une scène assez gore où il éventre un gars et il y a plein d'espèces d'anguilles qui sortent de son bide. C'est un peu dégueulasse, là, je trouve. Mais Ah mais ça on vous le dira jamais assez les mecs, hein. Si vous avez assez un ver solitaire, faites-vous soigner, sinon c'est vous pas un allez ver avoir des solitaire, c'est parce problèmes. que en fait, ces organes d'intérieur, ils ont muté, si tu veux, donc ça fait un effet bizarre. Il y a des trucs, c'est un peu bizarre, quoi. Puis à la fin, mais le dernier plan, mais je l'ai vu arriver de loin, mais vraiment de très loin, quoi. Je suis ennuyé, franchement, je le déconseille. Non, bah moi je l'ai pas vu, mais j'avais vu la bande-annonce qui m'avait pas spécialement convaincu. Après Netflix, je veux bien qu'il faut que je rentabilise mon investissement pour Netflix, mais enfin, je vais pas tout regarder ce qui passe dessus non plus. Alors si en plus j'ai une critique proche du dossier qui me dit que c'est prévisible et passable, je vais peut-être pas foncer à aller le voir. Non, puis bon, à ce moment, il y a trois films sur Netflix qui sont beaucoup discutés sur le net. Il y a Bright avec Will Smith, où il fait équipe avec une espèce de troll extraterrestre, de troll policier. Ouais, mais ça me fait encore une fois penser à un film Ouais, où ouais. ils faisaient équipe avec un extraterrestre Bah, à l'époque et puis. c'est le film, ouais, tu penses à Alien Nation, Los Angeles 91, un truc comme ça. Ouais, ça doit être un truc comme ça, donc voilà, Ouais, encore je me un truc souviens aussi. qui fait un peu Bah, c'est remix. recyclé aussi, ça. Voilà. Et puis il y a eu Cloverfield Paradox qui est pas bon non plus, quoi. Alors Cloverfield Paradox, du coup, je l'ai vu. Tu l'as regardé? Ouais, Fabien m'avait fortement recommandé de pas le regarder, donc j'ai été le voir. Le mec est au pays pas, quoi. Et si j'avais su, je l'aurais écouté. Non mais qu'est-ce que c'est que ce film? C'est mauvais, hein. On raccroche tout à coups de Bah, pioche. justement, vas-y, donne ton avis, parce que là, comme ça, on pourra pas me dire, ouais, t'es une mauvaise foi, t'aimes rien. Ah non mais y a rien à aimer. Voilà, c'est lent, c'est plat, c'est prévisible. On nous essaye de nous servir des cliffhangers, notamment avec l'arrivée de Clover sur la Terre, quoi, qui viendrait d'une autre dimension, dû à un passage, machin. Alors, on le voit arriver dès le début. Mais je veux bien que c'est une licence Cloverfield. Alors c'est pourquoi la prochaine fois c'est Top Chef Cloverfield, on cuisine des anguilles, jardinage Cloverfield, on abat de l'herbe avec des extraterrestres. Non mais c'est n'importe quoi ce film. Ouais. Puis surtout c'est le plus consternant, c'est quand même le dernier plan du monstre qui sort des nuages. Ça, c'est vraiment, je te raccroche Et puis au il y a wagon. pas de saveur, on le voit arriver gros comme Il y une a rien, maison. puis c'est plein de clichetons aussi là-dedans. Oui, puis oui, je te donne les plans comme ça, tu pourras sauver ta planète. Ouais, bah, sauve-toi d'abord, tu verras après quoi. Bah ouais, déjà. Mais donc non, c'est bourré, enfin pour moi, hein. Bah pas pour nous deux de toute façon. C'est bourré d'incohérences, de raccrochages de wagons à la pelle. Et puis C'est ça fait grossier, quoi. vraiment Tout est grossier dans ce mais film. grossier, mal amené. Puis on a l'impression qu'on nous saute dessus à pieds joints pour nous dire rentre dans la case quoi. Donc voilà. J'ai Voilà, rien à donc dire sur Paradox. c'est bien parce que vous avez un deuxième avis très concret pour vous dire que bah, faut pas perdre votre temps dans cette dope, quoi. Ah non, moi je veux pas souffrir tout seul. Allez le voir. On va créer une secte de la dope, tu vois. Allez, Bah. on termine sur ce joyeux mot. Bah oui, y a rien à dire, Voilà. hein. Le seul paradoxe dans Cloverfield, c'est d'avoir vu le film, quoi. Merci d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et aussi partager l'émission pour la faire connaître. À À la la prochaine! prochaine!